Osée chapitre 2. Appelez vos frères, amis, et vos sœurs Ruhama. Plaidez avec votre mère, car elle n'est point ma femme, et aussi ne suis-je point son mari, et qu'elle ôte ses prostitutions de devant elle, et ses adultères de son sein. De peur que je ne manifeste sa nudité, que je ne la remette dans l'état où elle était le jour qu'elle naquit, que je ne la réduise en désert, et que je ne la fasse être comme une terre sèche, et ne la fasse mourir de soif. Et que je n'eusse point de miséricorde envers ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Parce que leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, « Je m'en irai après ceux que j'aime, qui me donnent mon pain et mes eaux, ma laine et mon lin, mon huile et mes boissons. C'est pourquoi, voici, je boucherai d'épines ton chemin, et je ferai une cloison de pierre, en sorte qu'elle ne trouvera point ses sentiers. » Elle ira donc vers ceux dont elle recherche l'amitié, mais elle ne les atteindra point, elle les cherchera, mais elle ne les trouvera point, et elle dira, « Je m'en irai et je retournerai à mon premier mari, car alors j'étais mieux que je ne suis maintenant. » Mais elle n'a point connu que c'était moi, qui lui avais donné le froment, et le vin, et l'huile, et qui lui avais multiplié l'argent, et l'or dont ils ont fait un bal. C'est pourquoi je viendrai à reprendre mon froment en son temps, et mon vin en sa saison, et je retirerai ma laine et mon lin qui couvrait sa nudité. Et maintenant je découvrirai sa turpitude devant les yeux de ceux qui l'aiment, et personne ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats, et toutes ses solennités. Et je gâterai ses vignobles et ses figuiers, dès qu'elle l'a dit, ce sont ici mes salaires que ceux qui m'aiment m'ont donné. Et je les réduirai en forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Et je visiterai sur elles les jours des Baalins, durant lesquels elles leur faisaient des parfums, et se paraient de ses bagues et de ses joyaux, et s'en allaient après ceux qui l'aimaient, et m'oubliaient, dit l'Éternel. Néanmoins, voici, je l'attirerai après que je l'aurai promenée par le désert, et je lui parlerai selon son cœur. Et je lui donnerai ses vignes depuis ce lieu-là, et la vallée de l'Accor, pour l'entrée de son attente, et elle y chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme lorsqu'elle remonta du pays d'Égypte. Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras, mon mari, et que tu ne m'appelleras plus, mon Baal. Car j'ôterai de sa bouche les noms des Baalins, et on n'en fera plus mention par leur nom. Aussi en ce temps-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, et avec les oiseaux des cieux, et avec les reptiles de la terre, et je briserai et j'ôterai du pays l'arc, et l'épée, et la guerre, et je les ferai dormir en sûreté. Et je t'épouserai pour moi à toujours, je t'épouserai, dis-je, pour moi, en justice, et en jugement, et en gratuité, et en compassion. Même je t'épouserai en fermeté, et tu connaîtras l'Éternel. Et il arrivera en ce temps-là, que je répondrai, dit l'Éternel, que je répondrai aux cieux, et les cieux répondront à la terre. Et la terre répondra au froment, au bon vin et à l'huile, et eux répondront à Jisréel. Puis je la sèmerai pour moi en la terre, et je ferai miséricorde à l'Ruhama, et je dirai à l'Ohami, tu es mon peuple, et il me dira, mon Dieu.